بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Dieu, le Seigneur souverain, le Saint, le Puissant, le Sage. C'est lui qui a envoyé au peuple d'illettrés un messager, issu d'eux-mêmes qu'il leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne l'écriture et la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Et Dieu fera bénéficier de ce message d'autres générations ultérieures, et c'est lui le puissant, le sage. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Telle est la grâce de Dieu qu'il accorde à qui il veut. Et Dieu détient la grâce infinie. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne qui porte des livres sur son dos. Quel mauvais exemple que celui offert par ceux qui rejettent les versets de Dieu, et Dieu ne guide point les injustes. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Adeptes du judaïsme, puisque vous prétendez être favorisés par Dieu au détriment de tous les autres peuples, alors souhaitez donc la mort immédiate si vous dites la vérité. Mais ils ne la souhaiteront jamais à cause de tout ce qu'ont perpétré leurs mains. Dieu cependant connaît bien les injustes. Dis, cette mort que vous tentez de fuir vous rattrapera sûrement, puis vous serez ramenés à celui qui connaît le monde invisible comme le monde visible, et il vous rappellera alors ce que vous faisiez. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Ô vous qui croyez, lorsque vous entendez l'appel à la prière le vendredi, empressez-vous d'aller invoquer Dieu et délaissez toute transaction commerciale. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Et lorsque la prière est terminée, alors dispersez-vous et partez en quête de la grâce de Dieu et invoquez souvent Dieu afin de réussir. Mais lorsqu'ils entrevoient quelques marchandises intéressantes ou quelques divertissements, ils se détachent du groupe et te laissent seul, debout. Dis, ce qui est auprès de Dieu est bien meilleur que le divertissement et meilleur que toute marchandise. Et Dieu est celui qui pourvoit le mieux à vos besoins.